Qu'est-ce qu'une baguette de sorcier? 1. Introduction aux cannes à divination. Les baguettes divinatoires, également connues sous le nom de baguettes de sorcier ou baguettes de divination, fascinent depuis longtemps les individus cherchant des réponses et des conseils de l'invisible. Ces outils simples, généralement fabriqués en métal ou en bois, auraient le pouvoir de localiser les sources d'eau souterraines, les minéraux et même les objets perdus. Au-delà de leurs applications pratiques, les baguettes divinatoires ont également trouvé leur place dans les pratiques spirituelles, où elles faciliteraient le contact avec des entités du domaine spirituel. Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant des baguettes divinatoires, en explorant leur histoire, leurs mécanismes, leurs techniques d'utilisation et leurs liens avec la spiritualité. Nous aborderons également les idées fausses et les controverses courantes concernant leur efficacité. Alors, que vous soyez sceptique ou curieux en quête de spiritualité, rejoignez-nous dans ce voyage pour percer les mystères des bâtons divinatoires et leur rôle potentiel dans la connexion avec l'au-delà. Que sont les bâtons divinatoires? Les baguettes divinatoires ne sont pas le dernier accessoire de mode pour les sorciers ou les sorcières. Ce sont en fait de simples outils utilisés pour localiser des sources d'eau souterraines, des minéraux ou d'autres substances cachées. Ces tiges, également connues sous le nom de tiges de sorcier ou de baguettes de sorcellerie, se présentent sous diverses formes, mais le style le plus courant est une tige métallique en forme de I ou de L ou un bâton en bois. Histoire des bâtons divinatoires. L'histoire des baguettes divinatoires remonte à très loin, comme dans l'Antiquité. Ils sont utilisés depuis des siècles dans différentes cultures du monde. Les premiers enregistrements de divination remontent à la Chine et à l'Égypte ancienne. Même des personnalités célèbres telles que Léonard de Vinci et Albert Einstein étaient fascinés par le concept. 2. Comprendre la science derrière les baguettes divinatoires. La mécanique des bâtons divinatoires. Alors, comment fonctionnent réellement ces tiges? Eh bien, les mécanismes exacts ne sont pas entièrement compris, mais l'idée générale est qu'ils répondent à des champs d'énergie subtils. Lorsqu'elles sont tenues correctement, ces tiges sont censées réagir à la présence de substances ou d'énergie spécifiques en se contractant ou en se croisant. 3. Comment utiliser une baguette divinatoire, technique et pratique. Choisir la bonne canne à divination. Choisir la bonne baguette divinatoire est crucial. Certains préfèrent les tiges de métal, tandis que d'autres ne jurent que par celles en bois. En fin de compte, cela dépend de vos préférences personnelles. Expérimentez avec différents types et voyez lequel est le plus confortable dans vos mains. Se familiariser avec les mouvements de la canne. Avant de se lancer sérieusement dans la divination aquatique, il est essentiel de se familiariser avec les mouvements de la canne. Passez du temps à vous entraîner dans un espace ouvert, en tenant les tiges sans serrer et en observant comment elles réagissent à l'énergie naturelle de votre corps. Cela peut prendre quelques essais pour comprendre les subtilités de leurs mouvements, alors soyez patient. Guide étape par étape pour utiliser une baguette divinatoire. 1. Trouvez un endroit calme, loin des distractions et des perturbations. 2. Tenez les tiges légèrement, en gardant vos mains détendues, avec les tiges parallèles au sol. 3. Commencez à marcher lentement, en laissant les tiges rester libres de bouger. 4. Notez tout changement dans les mouvements des tiges, comme le croisement, le décroisement ou la contraction. 5. Faites attention à ces mouvements, car ils pourraient indiquer la présence de ce que vous recherchez, par exemple, de l'eau, des minéraux ou de l'énergie. 6. Entraînez-vous régulièrement pour améliorer votre sensibilité aux réponses des tiges. 4. Explorer le lien entre les bâtons divinatoires et la spiritualité. Bâtons divinatoires dans diverses traditions spirituelles. Les bâtons divinatoires ont trouvé leur place dans de nombreuses pratiques spirituelles à travers l'histoire. Des anciens rituels de divination aux techniques modernes de guérison énergétique, ces bâtons ont souvent été associés à la connexion à des royaumes supérieurs ou à des énergies invisibles. Différentes cultures interprètent leur utilisation de manière unique, en mettant l'accent sur les liens spirituels ou les capacités intuitives. Symbolisme et signification spirituelle. Au-delà de leurs applications pratiques, les baguettes divinatoires revêtent pour beaucoup une signification symbolique et spirituelle. Certains croient que l'utilisation de baguettes divinatoires peut améliorer leur spiritualité, agissant comme un canal pour accéder à des connaissances cachées ou à des messages du domaine spirituel. Que vous les considériez comme des outils, des symboles ou un peu des deux, la connexion spirituelle du bâton divinatoire dépend entièrement de vous. N'oubliez pas que même s'il peut être amusant d'explorer le monde de la divination et de la spiritualité, il est important de l'aborder avec une bonne dose de curiosité et un esprit ouvert. Qui sait, vous découvrirez peut-être des vérités cachées ou simplement profiterez de l'expérience de plonger dans les mystères des baguettes divinatoires. 5. Démystifier les mythes et les idées fausses sur les bâtons divinatoires. Idées fausses courantes sur les bâtons divinatoires. En ce qui concerne les baguettes divinatoires, de nombreux mythes et idées fausses circulent. Prenons un moment pour clarifier certains des plus courants. Mythe, les bâtons divinatoires possèdent une sorte de pouvoir magique. Réalité, même si les baguettes divinatoires peuvent sembler mystiques, elles ont une explication logique. Elle fonctionne sur la base des mouvements subtils et des réactions inconscientes de l'observateur. Mythe, seules les personnes spécialement douées peuvent utiliser efficacement les baguettes divinatoires. Réalité, n'importe qui peut utiliser une baguette magique. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de pratique et la volonté de faire confiance à votre instinct. Mythe, les baguettes divinatoires peuvent prédire l'avenir. Réalité, même si nous aimerions avoir une boule de cristal, les baguettes divinatoires ne sont pas des appareils de divination. Ils sont principalement utilisés pour localiser les eaux souterraines ou les minéraux. Études et résultats scientifiques. Vous vous demandez peut-être s'il existe des preuves scientifiques appuyant l'utilisation des baguettes divinatoires. Eh bien, passons aux résultats. Alors que certaines études suggèrent que les baguettes divinatoires ne valent pas mieux que le hasard, d'autres ont montré des résultats positifs. Ce qui est curieux, c'est que ces résultats positifs sont souvent attribués à la capacité subconsciente de l'utilisateur à détecter des signaux physiques subtils. Les scientifiques ont découvert que les utilisateurs de baguettes divinatoires ont tendance à présenter de petits mouvements musculaires, connus sous le nom d'effets idéomoteurs, qui peuvent guider le mouvement des baguettes. Cela suggère que le succès des baguettes divinatoires dépend davantage de la personne qui les utilise plutôt que des baguettes elles-mêmes. Cela démontre également que les scientifiques de nos jours étudient encore et encore principalement la matière afin de comprendre un processus qui trouve et trouvera toujours sa source fondamentale bien ailleurs que dans celle-ci. 6. Les bâtons divinatoires peuvent-ils être utilisés pour contacter des entités dans la spiritualité? Comprendre le contact avec l'entité dans la spiritualité. Lorsqu'il s'agit de contacter des entités spirituelles, les bâtons divinatoires ont souvent été associés à cette pratique. Cependant, il est important de comprendre ce qu'implique le contact avec l'entité. En spiritualité, le contact avec les entités fait référence à l'acte de communiquer avec des êtres non physiques, tels que des esprits, des anges ou des guides. C'est une expérience profondément personnelle et subjective qui varie d'une personne à l'autre. Preuve anecdotique et expérience personnelle. De nombreuses personnes affirment avoir vécu des expériences où les baguettes divinatoires les ont aidées à se connecter avec des entités. Ces anecdotes impliquent souvent de ressentir de l'énergie, de recevoir des messages ou de ressentir une présence lors de l'utilisation des baguettes. Comme pour toute pratique spirituelle, il est essentiel d'aborder le contact avec les entités avec un esprit ouvert et une bonne dose de scepticisme. Garder une perspective perspicace peut aider à distinguer les véritables liens des vœux pieux. 7. Améliorer les pratiques spirituelles avec des bâtons divinatoires. Incorporer des bâtonnets divinatoires dans la méditation ou les rituels. Si vous êtes attiré par l'utilisation de baguettes divinatoires dans vos pratiques spirituelles, considérez ces idées pour les incorporer. Pendant la méditation, tenez légèrement les tiges dans vos mains et laissez-les bouger naturellement. Laissez-les vous guider vers des domaines d'intérêt ou de concentration énergétique. Utilisation rituelle, inclure des baguettes divinatoires comme outil de divination ou pour détecter les changements d'énergie lors de rituels ou de cérémonies. Utilisez votre intuition pour interpréter les mouvements et les signaux qu'ils fournissent. N'oubliez pas que le principal avantage de l'utilisation des baguettes divinatoires dans ces contextes réside dans votre capacité à vous connecter à votre propre intuition et à une connexion spirituelle plus profonde. Utilisez des bâtons divinatoires pour la guérison ou la compensation énergétique. Certains praticiens utilisent également des baguettes divinatoires pour des pratiques de guérison énergétique ou de nettoyage. Voici quelques façons d'essayer. Balayage énergétique, utilisez les tiges pour scanner le champ énergétique, les chakras ou des zones spécifiques du corps d'une personne. Notez tout changement ou décalage dans le mouvement des bâtonnets, ce qui pourrait indiquer des zones nécessitant une attention ou une guérison. Dégagement de l'espace, parcourez une pièce ou un espace avec les tiges, en faisant attention à tout changement dans leur mouvement. Faites confiance à votre intuition pour vous guider vers des zones qui semblent énergétiquement lourdes ou stagnantes. N'oubliez pas que les baguettes divinatoires ne sont qu'un des nombreux outils qui peuvent faciliter le travail énergétique ou les pratiques spirituelles. Il est important de trouver ce qui vous intéresse et qui correspond à vos croyances et expériences personnelles. 8. Conclusion, le rôle des bâtons divinatoires dans la spiritualité. En conclusion, les baguettes divinatoires ont une histoire fascinante et continuent d'intriguer les gens avec leurs utilisations potentielles dans la spiritualité. S'il est crucial de démystifier les mythes et de comprendre la perspective scientifique, il est tout aussi important de respecter les expériences et croyances personnelles. Que vous considériez les baguettes divinatoires comme un outil pratique pour localiser l'eau ou les minéraux, un moyen d'améliorer vos pratiques spirituelles ou un moyen de vous connecter avec des entités, la clé réside dans votre propre perception et interprétation. Abordez les baguettes divinatoires avec un état d'esprit curieux et perspicace, et elles peuvent vous offrir des idées, des conseils ou simplement une touche d'émerveillement dans votre voyage spirituel. Même si les baguettes divinatoires ont fait l'objet de débats et de scepticisme, elles continuent de captiver l'esprit de nombreuses personnes fascinées par l'inconnu. Que vous les considériez comme un outil scientifique, un instrument spirituel ou simplement un phénomène intrigant, les baguettes divinatoires ont une histoire riche et une gamme diversifiée d'applications. De la recherche de sources d'eau à l'amélioration des pratiques spirituelles, ces cannes offrent une voie unique d'exploration et de connexion. Comme pour toute pratique, il est important d'aborder les baguettes divinatoires avec un esprit ouvert et un œil critique, en reconnaissant à la fois leur potentiel et leurs limites. En fin de compte, leur rôle dans la spiritualité, qu'il s'agisse d'un outil pour contacter des entités ou d'un moyen d'approfondir sa connexion avec le monde spirituel, est un voyage profondément personnel que chaque individu doit parcourir pour lui-même. FAQ 1. L'efficacité des baguettes divinatoires est-elle scientifiquement prouvée? Bien que les baguettes divinatoires soient utilisées depuis des siècles et que de nombreuses personnes prétendent avoir eu du succès avec elles, il existe peu de preuves scientifiques pour étayer leur efficacité. Les sceptiques soutiennent que les mouvements apparents des bâtonnets sont dus à des mouvements musculaires inconscients ou à des facteurs externes, mais ils n'ont également aucune preuve pour étayer leurs affirmations. 2. Les baguettes divinatoires peuvent-elles vraiment contacter des entités dans la spiritualité? Certains praticiens spirituels croient que les baguettes divinatoires peuvent faciliter le contact avec des entités du domaine spirituel. Cependant, il s'agit d'un sujet très controversé et subjectif. Même si certaines personnes prétendent avoir vécu des expériences où les baguettes divinatoires les ont aidées à se connecter avec des entités, il est essentiel d'aborder ces affirmations avec un esprit critique et un discernement personnel. 3. Est-ce que n'importe qui peut apprendre à utiliser les baguettes divinatoires? Oui, les baguettes divinatoires peuvent être utilisées par toute personne souhaitant explorer leur potentiel. L'utilisation des baguettes divinatoires implique généralement de développer une sensibilité aux mouvements et aux signaux des baguettes par la pratique et l'expérimentation. Il est important d'aborder leur utilisation avec un esprit ouvert, de la patience et la volonté d'apprendre et d'affiner votre technique au fil du temps. Page 41, nous allons voir le tarot divinatoire en détail. Page 41.